8. Écoutez l'interview du nouveau capitaine de l'équipe de France en direct sur notre antenne à 18h30. Nous vous informons que nos magasins seront exceptionnellement ouverts jusqu'à 22h pendant les fêtes. Steph, on peut se voir demain après-midi à 3h? Le docteur peut vous recevoir à 14h15. Est-ce que ça vous va? Le train va entrer en gare à 13h24. Il est 5h20. Le film est à 9h ce soir. Tu viens? On se retrouve au restaurant à 8h30, c'est bon? Le magasin ouvre ses portes à 9h15.